Exercice 6, page 60. A. Manu est brune. Lilou est rousse. B. Cette bûche est dure. Cette tourte est lourde. C. Tu veux du sucre? Tu veux du chou? D. J'ai une jupe prune. J'ai une jupe rouge.